Je m'en fous, tu dois partir. Allez, mais qu'est-ce que c'est pour l'histoire? Mais je ne comprends pas. Des vieux de Cantonio, dans les Nina Belle. Mais yo, le Minangate, n'a pas le tempo, n'a pas le tempo. Tu sais, yo, français, belé, oui. Ah! Hey. Libala oyo na balande makambo baninga boyo kaneli kambo ebemi singa motema tenge oyo piala salinga zambe na koki kosala ye mabe ya pamba Asuanga bomwana nazali pena kelasi Abebi simba kelasi nanga inyoso Apresse kaka to banana Ngai mwasi koya libala kolia malamu te Kolata se eteni ya elamba Tangwa nyoso pasi na pasi Komesa te kitite, soni pena baninga Soki nakanga kimotema, kaka sepo ya bulingo Nena sombi mobile pe ya sika, oh mama Ndako na ye pe bongi Alobinanga yo madame langa Je m'en fous Les lots sont immobiles, pays, sika, oh mama. D'accord, la yébé, bongi. A la binanga, yo madame, nanga. Je m'en fous, tu dois partir. Kalinga yawa, kaka sema kanisi. nanga feli nazangile no mobali e komelinga esoni moye ya kobima te tata. Thank you.